Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, ben le nom est pas pire clair. Je critique les foules et c'est toujours avec plaisir que je te visite, Crowd. Peu importe le genre musical. Et cette semaine, ben comme de fait, je sors du rock, je sors de mes habitudes puisque ce sera tout en culture hip-hop puisque c'était mardi et le temps passe vite. Mardi, j'étais à Run the Jewels qui jouait au Metropolis. Sinon, vendredi dernier, 17 février, écoute, c'était le dernier spectacle de la tournée de l'Hostie de Tour à La Claire Ensemble. Brown et Corias jouaient au Club Soda. Alors oui, beaucoup, beaucoup d'énergie. Déjà, je peux vous le dire, ce ne sont que des crowds complètement conquises par leurs artistes. Alors oui, il y aura de la joie et de l'allégresse et des mosh pits. Alors, fait que rocker, tu vas toujours retrouver ton compte. Et oui, je pense à toi, rocker, et à toi, métalleux, justement, à passer sûrement plus de hip-hop que la moyenne de toutes mes émissions, j'ai décidé de te gâter et on va commencer avec First Fragment, que je passe jamais assez souvent sur les ondes de la marge, et ce sera la chanson Psychant, l'apothéose partie 2. Si tu veux écouter la première partie, va sur YouTube. Leur album se retrouve juste sur YouTube, ça m'agace. Et sinon, sinon, c'est toujours mieux de les voir en vrai, et ils seront en show ce vendredi au Fofone Électrique. Que c'était bon dans nos petites oreilles. First Fragment, Psychant, Apothéose, partie 2. Et vous écoutez, ben oui, Critique de Crowd, en ce spécial, parce que toutes les émissions sont spéciales, mais je la trouve particulièrement spéciale. parle bien du rap, mais étrange, ben pas étrangement, parce que je vois quand même beaucoup de spectacles, mais c'est relativement tous des groupes que j'ai vus au moins une fois, et surtout dans des cadres de festivals, que ce soit Francofolie ou que ce soit Oshiaga, et c'est le couple Run de Jewels. Et même si je suis pas, fervente de la musique rap, ben c'est plutôt ma méconnaissance, parce que je sais que Run the Jewels, c'est surtout, deux rappeurs, LP et Killer Mike, qui ont une grosse carrière solo derrière eux, là, avant Run the Jewels, qui existe depuis 2013. Ben écoute, il y en a derrière la cravate, ces messieurs. Et oui, pour moi, c'est vraiment Run the Jewels, c'est l'album 2 qui m'a eu, là, et je le trouve tellement puissant, tellement bon. Je l'ai écouté abondamment, ça se dit. Écoute, à répétition. Tu sais, le genre d'album que tu te dis, ben coudonc, je l'ai donc bien écouté, ben tu te dis, il doit être bon, hein? Effectivement. Et c'était le premier groupe que j'ai vu quand je suis allée à Chicago, c'était en 2014. Paraît-il que leur aventure avec Montréal est toujours un peu périlleuse. Ça a l'air... Ben ça, j'étais pas encore fan, fait je le savais pas, là. Mais écoute, ça a l'air qu'ils ont été obligés d'annuler une fois un show parce que leur van a pogné en feu. Rien de moins. Et... Sinon, ben l'autre fois, ben oui, c'était avant Chicago, fait que déjà c'était un peu drôle qu'ils se donnent en spectacle, si je me trompe pas, c'était au Club Soda. Et ouais, ben il paraît que le spectacle était moins intéressant parce qu'ils se sont un peu préservés énergétiquement parlant pour pouvoir donner une bonne prestation à Chicago. Mais j'y étais et je peux te confirmer que oui, c'était vraiment vraiment un bon show, et c'est pour cette raison-là que j'étais curieuse de connaître sa crowd en salle, parce que ouais, quand t'es à Chicago, tu sais, des fois tu viens voir le groupe parce que t'es curieux, parce que ça donne bien entre deux autres groupes que tu veux voir. Mais là, en début de journée, au soleil et toujours dans la bouette, les shows extérieurs. Mais j'en avais quand même retiré du bon, et surtout une très, très grande ferveur de leurs fans. Quand je suis arrivée dans la crowd, ben, il y avait un gars qui a remis une toile, une peinture aux deux rappeurs avec le logo de leur pochette. J'ai trouvé ça vraiment cute, et ils ont arrêté le spectacle, visiblement, eux autres aussi, ils trouvaient ça cute. C'est une unité, ça arrive pas souvent. Mais dans le moins anecdotique, c'est une belle énergie, mais il y a quelque chose de diffus. Je cherchais beaucoup le pit à ce moment-là. Je me disais, non, le monde s'énerve, puis c'est comme pas un concentré. C'était pas un pit en tant que tel. Et j'ai eu tort, parce que pit, il y a eu. Et il y avait quelque chose de très viril, puissant dans les mouvements. Même quand il y avait des mouvements de danse un peu particuliers, le monde était comme, oh! Et je me souviendrai toujours quand même de quelques moments, quand même particuliers de cette crowd-là. Déjà, il y avait, qui dit festival dit GoPro, là, qui dit spectacle dit GoPro aussi, là. Mais il reste qu'il y avait un gars avec une GoPro sur le chest, mais il y avait un casque de la construction, puis un tatou, tu sais, comme une armoirie, mais avec des marteaux. Moi, j'avais trouvé ça, je crois qu'il travaillait dans la construction. Ouais, il avait l'air de beaucoup aimer son travail. Et en même temps, je me dis que c'était quand même pas bête, un casque contre les coups, là, ça pourrait être efficace en spectacle, mais il était surtout remarquable. Et parmi le désordre dans la crowd, j'avais trouvé une bague et j'avais décidé de l'offrir à la première personne que j'ai vue, et c'était un garçon qui, il a accepté, mais au lieu de me demander mon nom, il m'avait juste demandé « Where are you from? » Fait que j'étais un peu perdue. Je me suis dit, pourquoi il veut pas savoir mon nom, mais il veut absolument savoir de où je viens. Et qui dit festival dit beaucoup de touristes. Alors, peut-être qu'il avait besoin de repères à Montréal, puis il voulait que je l'aide. Mais bon, notre partenariat domestique et marital n'aura duré le temps que de Run the Jewels. Mais... ouais, pour tous ces éléments-là rigolos de la, il y a quelque chose de violent dans la crowd, mais ludique, m'avait gardé un très bon souvenir de Run the Jewels. Alors j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner en salle. Et la seule et grande différence, c'est que trash, mais moins de giclage avec un maudit gros boyau d'arrosage comme font tous les festivals Evenco. Fait que non, on était beaucoup moins arrosés dans le métropolis. Ça donnait donc beaucoup moins de boîtes. Donc, pour toi, garçon, qui aimait autant la construction, ben je te passe pour toi construction de bande de garage. Tu seras suivi de vautrer dans la boue. Vautrer dans la boue du groupe Mon autre groupe. Et vous avez aussi entendu Construction, la première chanson qui se retrouve sur l'album Cassette numéro 2 de Ben de Garage. Hey, critique de Crowd, elle vit pas juste dans le passé, très très passé, étant en Chicago en 2014. Je parle aussi du passé comme mardi dernier au Metropolis. Je crois que c'était complet. En tout cas, le Metropolis, il y avait de la crowd et il y avait de la crowd. Et là, depuis tantôt, j'en parle comme, oui, je savais que j'allais voir le spectacle, mais pour être bien honnête avec vous autres, moi, je me suis fait offrir des billets semi à dernière minute. Tu sais, c'est comme, hey, Jolene, ça te tente-tu d'aller voir Run the Jewel? Je suis comme, hey, mais hein? D'après ça, ben, ah, plus de nouvelles. Ah, ça se peut, j'ai plus de billets. Hey, Jolene, ça marche! Des fois, le destin, les contacts, la magie, les surprises, les cadeaux, ça donne ça. Ça donne que tu vas voir Run the Jewel. Et. J'arrive, évidemment, en retard. Alors, entre toutes les invités très spéciaux de Gaslab Killer, Gangsta Boo, Nick Hook ou Coz, je sais pas c'est lequel que j'ai vu. Je vais être bien, bien franche. Je sais pas. Reste que c'était d'une énergie, d'une puissance quand je suis rentrée en métropolis. C'est pas croyable. Et, ben, c'est sûr que je le voyais peut-être avec une plus grande émotion, parce que j'étais montée au balcon et, oh mon Dieu, juste la perspective faisait en sorte qu'il y avait le mosh pit direct dans ma face. Et je venais juste d'arriver, oui, en retard. Alors déjà, il y avait une ambiance déjà partie depuis le début de la soirée. C'est comment c'est quoi la bite? Mais un pit, là, vraiment, qui était, il était beau! Il était beau! Ça, c'est les moments où je me dis, ah, là où il y a de l'amour, il y a des moches pits, un petit pit bien centré au milieu de la salle, avec, oui, tu sais, des rebonds, on sentait les coups comme des bonnes lancées, mais l'espace était très restreint, vraiment un petit cercle concis, et ça déborde pas vraiment, mais vraiment, ah oui, comme quand le monde se pousse, puis on dirait qu'il se donne un élan, là, pour aller plus loin, là. C'était beau! À voir, j'étais heureuse, j'étais déjà, si la foule était conquise, elle m'a conquise, tout de suite en rentrant, je dis, ah, c'est parfait. Et je me fais dire par la personne qui m'a invitée, ah, Jolene, viens me rejoindre dans les loges, puis là, là, c'est le moment que je me suis sentie vraiment VIP, j'étais, ouh, je vais être dans les loges pour Run the Jewels. Bon. Pas voler de punch tout de suite, mais là, je me dirige vers ces dites loges qui sont, pour ceux qui connaissent bien le Metropolis, c'est en arrière, tu sais, côté des toilettes, tu vois bien qu'il y a de l'espace. Ben oui, il y a des loges. Mais à ma grande surprise, parce que je n'y étais jamais allée auparavant, c'était d'une platitude profonde. Oh mon... <C'est>... Je suis arrivée puis c'était comme à l'école. C'est comme deux rangées très scolaires. Comme, un peu pour faire comme un peu un bar. Une petite tablette tout en longueur du long de la loge pour déposer tes breuvages ou les choses que tu veux bien y déposer dessus, là, à ta discrétion. Et des tabourets. Et c'est tout. Puis 6 personnes. Tu sais, déjà... Déjà que c'était un peu drabe, il y avait comme personne. C'était pas très grand non plus, mais c'était peu crowdé. En plus d'être peu crowdé, il y avait comme un couple derrière, tu sais, sur la deuxième rangée, soit celle qui est pas la plus proche, mettons. Dans le fond. Mange la gomme, les bras croisés, avec une bouteille d'eau. Je comprenais plus rien. Je me suis dit, boy, c'est pas très fashion victim être dans les loges, finalement. Ah, j'étais déçue, là, je comprenais plus rien. J'étais comme, ah, Jolene, viens boire du vino. Je suis comme, ah, ben finalement, toute cette ambiance que je trouvais donc bien scolaire, finalement, c'est scolaire vino. Là, j'étais heureuse. Ah, voilà le showbiz champagne, les bulles. Vivons, vivons comme si nous étions l'élite l'instant d'un moment dans un spectacle de rap. Et non, à force de discussion, j'ai bien compris que j'étais pas partout dans les loges, là. J'étais pas partout VIP. J'étais dans la section des éclopés. C'était comme les employés plus le monde qui était blessé. Puis avec beaucoup de compassion, il y a comme des gens qui ont dit « Ok, on va comme t'économiser la crowd puis tu vas aller dans, entre guillemets, les loges. » Ouais, les vraies loges, j'étais sur les côtés, vraiment sur le bord de la scène. Et peut-être que tu y étais et je serais bien heureuse, crowd, que tu me ramènes tes propres commentaires, parce que non, j'y suis jamais allée, et c'est tellement, oui, très très proche de la scène, fait que paraît-il qu'on a le sentiment d'être comme si on était sur la scène, mais ça reste beaucoup trop sur le côté, c'est comme n'importe quelle place sur le balcon quand t'es comme ouais, quand t'es obligé de tourner complètement la tête, c'est pas idéalement. Ouais, c'est pas les meilleurs billets. C'est pas les meilleurs billets, t'es mieux au centre, non? Mais enfin, tu pourras me dire peut-être que justement, Showbiz Champagne va avoir permis que toi, tu as toujours trouvé que c'est une meilleure place sur le côté qu'en arrière dans la section, section faux VIP. Ça me fait encore rire, je me suis comme vendu du rêve toute seule. C'est merveilleux. Et sinon, Run the Jewels, ils arrivent sur scène. Et sur scène aussi, oui, podium du DJ un peu mi-scène. Au-dessus d'eux, il va avoir leur logo, les deux mains, une qui pointe, l'autre qui fait un point, qui est suspendu au-dessus d'eux, des grosses mains. C'était fort esthétique. Ils rentrent sur We Are the Champion, faut le faire. Et oui, c'est sûr que on le sent qu'il... Ah oui, toute l'énergie, là, c'est effervescent, là. Les gens sont, ils sont heureux. Ça a l'air d'un euphémisme, mais oui, il y a vraiment un grand emballement. Et contrairement au pit que je vous ai décrit pour les DJ précédents, les premières parties, ben, là, c'est fou comment c'est diffus, là, avoir cette chance de voir de haut et de bien voir la crowd. C'est un des trucs qui est le plus impressionnant, qui prouve comment la crowd est un spectacle en soi, parce que c'était... Ah! Ça bougeait partout! Quand je dis diffus, là, c'est que c'était des... Ouais, un mouvement relativement doux, de loin, mais qui était uniforme. Sur le coup, j'avais... ouais, je pensais au vidéoclip de Nine Inch Nails, là, avec les pendules de Newton, parce que autrement, j'aurais aucune idée c'est quoi des pendules de Newton. Mais ouais, tu sais, comme il y a toujours une bille qui varge plus que les autres, mais les autres restent tranquilles au centre. Quelque chose un peu de même, sans que l'énervement soit sur les côtés. Mais j'espère que tu saisis un peu ma comparaison. Cette forme de tranquillité, mais qui était quand même... Ah, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une très grande force d'énergie à quelque part. Elle se cache encore un peu dans la foule ou simplement la distance fait en sorte que je la vois pas vraiment. Et ça fait comme des déplacements latéraux dans la crowd, de façon générale. Un peu comme bougent les petits bonhommes, là, au babyfoot. Ouais, de même. Mais pas un gros kick, là, juste des petits moves de côté, là, t'es sa défensive. Fait que c'est pas mal de même qu'était la crowd de Run the Jewels au début. Et je suis descendue, ne t'inquiète pas, crowd, je suis allée te voir de proche, mais aussi parce que la lumière était tellement aveuglante que des fois je voyais rien partout. Fait que c'est ça. Hey, vu que... Vu que je trouvais ça très, très scolaire comme loge, j'ai décidé de vous mettre École-École de Pandacide. Ta mère veut que tu sois prof dans une école, mais tu préfères vivre sur l'alcool. Tu prends ton temps, tu perds ton temps. La drogue, l'école. Hey! Oh, Bande Acide, École-École, se retrouve sur son EP. Et voilà, Critique de Crowd. Dans la crowd, ben oui, je sais pas c'est quelle chanson. Ils ont choisi les chansons les plus énergiques. Je crois que sur leur plus récent album, il y en a qui sont quand même plus mollo et que j'ai des termes techniques musicaux précis. Mais ouais, ils ont gardé les tunes qui rentrent plus dedans. Beaucoup de tunes du deuxième album, je trouve, durant le show de mardi dernier. Fait que de l'énervement, ça se trouvait facilement. Et là, il y avait une des tunes, j'ai dit « Oh mon Dieu, faut que j'y sois! » Alors, ouais, je suis descendue à toute vitesse dans la crowd et bon point, c'était très facile de se faufiler entre les gens. Des fois, ça peut être plus laborieux et j'aimais ça d'une efficacité de partir du fond de Métropolis puis être quasiment mi-centre en avant 2 minutes. Vraiment, vraiment, vraiment rapide. Et quand je dis que c'est une foule conquise, ah, c'est une foule qui a chaud! Il faisait chaud! Aïe, aïe, aïe! Et tout en sueur. Qui dit sueur égale peut-être potentiellement, peut-être surtout pour toi, garçon, d'enlever ton t-shirt. Je te le conseille moyen quand t'es dans le pit parce que c'est dur de te pousser. Et après, c'est comme un t-shirt mouillé, ce sera toujours, pas confortable, pas très agréable, mais c'est toujours plus antidérapant que ta peau suintante, puis là, on est comme, incapable de te repousser. Fait que oui, il y aura pit. Puis je trouve ça très sympathique, la différence entre un pit rock. Oui, je me permets, disons, de mettre ça la grande famille rock, punk, pétale. OK, on pourrait vraiment élaborer longuement. Mais reste que la différence entre grande famille rock et tout ce qui peut être dans la culture hip-hop, c'est les limites du pit. Ils sont beaucoup moins clairs, je trouve, parce que je vais pouvoir vous le reconfirmer avec le show dans la claire ensemble. Mais ouais, c'est comme si... on voit qu'au centre, l'énergie est là. Et même de haut, je vous le confirme, c'est pas si clair. Et à l'intérieur non plus. Oui, c'est pas centré. C'est pas une belle géométrie. Mais en même temps, c'est ce qui est le fun. On dirait que tu peux pousser beaucoup plus loin. Comme si il y avait une plus grande permissivité. Comme si les règlements de pit était moins élaboré, tu sais, dans un pit, dans un show punk metal, tu sais, on le voit, c'est concis, c'est placé, si t'es auto, pis t'es en connaissance de cause, on l'espère. Mais sinon, là, c'était, c'était mou, t'sais, justement, tu sais, il y en avait qui pouvaient être plus rentre dedans, d'autres qui l'étaient moins. La technique était variable et on n'était pas non plus, justement, dans une très grande technicalité dans la façon de danser dans le pit. Par contre, pour les body surf, vraiment, j'ai essayé puis je l'ai trouvé, comme c'était inutilement laborieux, c'était compliqué, court, puis en même temps, beau parcours. Je ne sais pas si c'est la phrase, je ne sais plus lequel des rappeurs disait, si vous voyez une belle fille qui vous plaît dans l'audience, laissez-la tranquille, donnez-lui de l'espace. Ben, peut-être ça donnait de l'espace pour les body surf, parce que toutes les belles grandes filles qui ont body surfé, leur body surf était très beau, tandis que les gars, ça coulait à pic, c'était quoi? Non, ça marchait pas du tout. Fait que là-dessus, je fais une analyse peut-être quelconque de la situation, mais reste que si ça a été à leur avantage aux filles de pouvoir mieux profiter du spectacle par ce propos qui a été approuvé par toute la foule, je vous dirais, ben tant mieux, mais pour critique de crowd sur un body surf, bof. Et autre point aussi comme différence de pit, et que je trouve encore une fois très agréable, même, je trouve ça collectif, quand les gens, on voit entre les chansons, tu sais, oui, ça va avec l'énergie, oui, ça va avec le tempo, fait que des fois, il va pas avoir nécessairement de pit. Et quand ils veulent en recréer un, les gens dans la crowd vont vraiment s'espacer comme ils veulent vraiment créer un cercle et ils reculent en se tenant les bras, vraiment, encore une fois, en encerclant un espace vide. Et j'adore ça! Je trouve ça super beau, c'est quand même spontané et ça attend toujours comme le début de la chanson, puis boum, là, ça explose puis ça part. J'aime ça comme cette préparation-là. Oui, je sais pas, mais je le retrouve pas ailleurs que dans des shows de hip-hop. En tout cas, ce sera à suivre. Et ce sera surtout à suivre parce que là, c'est les publicités. À tout de suite. Save me from death. Musique vous invite au lancement de Maritza le mardi 28 février à 20h au Lion d'Or dans le cadre de Montréal en Lumière. Découvrez les chansons de son album Libérons-nous. Billets à 15$ en pré-vente, 20$ à la porte, incluant une copie physique de l'album. Cette musique vous invite au lancement du premier album de Clay and Friends pendant la Nuit Blanche à Montréal. Le samedi 4 mars au Lion d'Or, dès 21h, les membres de la formation vous feront danser toute la nuit avec leur chanson Soul Hop Beatbox. Découvrez l'album Conformopolis lors de la deuxième édition du All Night Jam de Clay and Friends. C'est gratuit. Profite du meilleur de Montréal à la cinquième édition de la cuvée du 2 au 4 mars prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktails, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Black Moon Boys, Hellbound Headcats et Speakeasy Electro Swing pour vous faire danser toute la soirée. On va avoir du monde à la messe au salon 1861 dans Griffintown. Billets disponibles en pré-vente ou lacuvée.ca. L'Allée Grock bat son plein au Divan Orange. Ce jeudi 23 février, en collaboration avec CISM, préparez-vous pour une soirée bien rock avec les chiens Francis Faubert et Deux Pouilles en cavale. Vendredi, ça se passe aux Haricots de Saint-Hyacinthe avec Violette P. Et samedi, au Cercle de Québec avec les Breastfeeders. Détails, entrevues, vidéos exclusives au lesgrock.com. Cette semaine t'as coûté cher et tu veux continuer le party? Eh bien, les petits mardis à 4 piastres à l'Abreuvoir sont là pour toi. Ici Michel Kunta qui t'invite à prendre une petite pause entre deux examens. Au menu, les mardis, drinks et bières à 4$, deux shooters pour 4$, et si tu like and share l'événement sur place, tu obtiens un shooter gratuit. La seule raison pourquoi tu manquerais nos petits mardis à 4 piastres à l'Abreuvoir, c'est si t'es en train d'étudier. Et même si t'étudies, ben, la Bibliothèque nationale est juste à côté. Way out, guys! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario Est à Montréal. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Les studios Distorsion, un espace artistico-sportif et culturel qui offre ses studios en location à l'heure pour vos événements privés, activités de groupe, cours de danse et répétitions. Consultez la page Facebook Distorsion ou notre site web www.distorsion.com. Du 15 au 25 février, au Théâtre aux Écuries, redécouvrez le succès populaire Ligne de bus du Théâtre Inc. Tarif étudiant à 21 $ et à 19 $ avec votre carte puce. Rendez-vous sur auxécuries.com. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Salut, c'est Julien du groupe Olinéa. Au début, on hésitait à t'appeler notre album « Incandescence d'un avenir incertain » ou bien « Pleine lune d'automne, volume 3 ». On voulait aussi rendre notre album disponible seulement en 8 tracks, seulement chez les disquaires indépendants. Mais on a changé d'idée. L'album d'Olinéa s'appelle « Olinéa » et c'est disponible partout. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Ceci était un merveilleux extrait de Rhonda Jewels, leur deuxième album, Blockbuster Night Part 1. Et pour écouter la Part 2, ben, je vous suggère d'écouter l'album au complet, parce qu'en ce moment, t'écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruel jusqu'à 4 heures. Et non, je n'avais pas terminé avec Rhonda Jewels parce que il s'est passé bien des affaires. Et je crois que c'était difficile de De ne pas parler de la conclusion du spectacle. Puisqu'on rappelle, oui, il allait partir la toune où il y a Zach de Rage Against the Machine. Mais il était pas là, là, mais cette toune-là, oui, je suis très bonne dans les titres. Et il l'a complètement arrêté. Ils ont dit, hey, stop, stop! Puisque le serveur était au centre de la crowd avec son cabaret rempli de bière. Et je dis le serveur. Bon. C'est Vincent, on le salue. J'espère qu'il écoute ses ISM, Vincent. J'espère que tu écoutes la radio. Et beaucoup de gens le reconnaissent à Montréal, au Métropolis, dans la vie en général, puisqu'il est très, très grand. Et ouais, tu sais, c'est comme un grand, grand gars. Tu sais, déjà, il a tellement la plus belle job parce qu'il peut tout le temps voir les spectacles, il est au-dessus de la crowd. Mais là, on voyait que lui et on ne voyait que son plateau de bière. Et j'imagine avec le contre-jour de l'éclairage, ça doit être encore pire. Alors là, les rappeurs, ils ont dit « Hey! » Hey, là, tu vas tout traverser parce que, vois-tu, garçon, c'est une toune qui brasse. Fait qu'il va falloir que tu te débarrasses de ton cabaret. Alors, sur notre bras, on te le paye et tu le distribues à tout le monde dans la crowd. Aïe, aïe, aïe. C'était surprenant. C'était sympathique de leur part. Mais là où je vois, on pourrait dire, ah, c'est beau. Ça, ah, c'est aussi la part en moi qui fait comme, ah, mon Dieu, c'est le moment où tout le monde a l'air d'un animal pour de la bière gratis. Ouais, ça dépend comment tu le prends parce que le monde devient fou. Tu sais, complètement, ah, ils veulent la bière! Tu sais, c'est chaotique. Ça prend peur d'être chaotique pour de la bière gratis. Surtout, je pense que c'est fait suggérer de juste comme le garrocher en l'air. Ouais, en même temps, c'est ce qui va se passer. Il y en a une couple qui vont relancer les bières, des belles lampes qui vont gicler d'un côté à l'autre du métropolis. Mais ouais, comme moment, c'est dur de passer à côté quand la crowd est à la fois belle, à la fois animale. Mais ouais, de façon générale, je t'ai trouvé beau, beau comme des Bambi crowd de Round the Jewels. Bien, bien sympathique et candide et animé et fou et avec des mouvements ouais, téméraires parfois. Fait que c'est vraiment un show à aller voir Round the Jewels. Ouais, vraiment, vraiment. Je vous le suggère. Sur ce, ils sont en spectacle ce soir avec podcast dans un autre registre musical. On va écouter Boire, Manger, Dormir sur leur album Dans la nature jusqu'au cou. Tu me chercheras dans le désert, dans les bras d'une autre femme. Tu me trouveras dans le minibar, la tête coincée. Ce sera la fin de l'hiver, ce sera dimanche si tu veux. Le temps dehors justifiera l'intérieur. Tu traîneras une valise pleine de vues d'horreur et de gâteaux. Je saurai enfin que je veux des enfants avec toi. Ah, bien douce, bien courte, avec podcast, boire, manger, dormir. Ils sont en spectacle à la Salle Rosa, ils étaient là aussi hier, fait que profitez-en. Sinon, ben oui, plein de suggestions pour cette semaine, et encore une fois ce soir, peut-être qu'à jaser dans la claire ensemble, ça va te donner le goût de voir Rednecks Level. Ils sont au rendez-vous du cinéma québécois à la Cinémathèque, fait qu'ils vont jouer avec DJ Tiesto Terron, ça me fait toujours bien rire. Sinon, pour le restant de la semaine, du 23 février au 11 mars, c'est Montréal à Lumière, alors certains des événements en seront teintés, mais pas la Ligue Rock, encore une fois ce soir, moi je ferai mon tour voir les chiens, il y a aussi Francis Faubert, deux pouilles en cavale, ça se passe au Divan Orange. Vendredi, il y a ben du stock, la Luna Nushu Hashed Out et Fails Live, ça se passe dans mon quartier, c'est dans Hochelaga, Atomic Café. Vendredi, si tu as bien aimé la toune metal en début d'émission, c'est First Fragment qui joue avec Shape the Above, avec Obsolete Mankind que j'adore, et Unbeing, et tout ça se passe au Fouf. Soyez-y, moi je peux pas, fait que soyez-y. Et en même temps, ah mon Dieu, troisième suggestion pour ce vendredi, Simply Saucer avec Red Mass No Negative. Ça se passe au Ritz, et Simply Saucer ont fait une entrevue à Nous sommes les rockeurs ce lundi. Je vous suggère de l'écouter parce que ça donne encore plus de goût d'aller voir le show de ces vétérans. grand rockeur ontarien. Et samedi, Organ Mood joue à l'espace des mêmes. Dimanche, Nobro Bar Diff à la Casa del Popolo. Lundi, je crois que c'est déjà complet, mais bah, je l'aime tellement Kid Kuna que je ne peux m'empêcher de vous dire qu'il va jouer en solo au Vert Bouteille. Mardi gras, parce que le Winston Band, il aime bien ça, souligner ça. L'année dernière, ils ont commencé la tradition. Fait, pour que ce soit une tradition, il y a à poursuivre. Fait que cette année, ça se passe. Royal Pickles vont jouer aussi avec eux. Et ça se passe au Divan Orange. Et finalement, mercredi, Valère au Club Soda. Ou sinon, si tu préfères, il y a aussi à la SAT, le bassiste Thundercat. On continue tout de suite en musique avec les chansons du palmarès francophone. Paupières et le couleur pour bien te faire danser. Thank you. Pierre sur les ondes de la marge. Vous avez aussi entendu le couleur, mais je suis née à Talente, fait que je vous ai pas mis la toune du palmarès. Je vous ai plutôt mis Nuka Sera, mais si vous voulez entendre premier contact, je vous suggère d'aller sur le site de CISM, cism893.ca. À s'en retrouve, tu peux même l'écouter. C'est fantastique comme ça, les internets. Et sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolène. Et là là, que d'énervement cette semaine. Ben oui, parce que la crowd était conquise, la crowd était belle. Et là, ce tour, j'avoue que juste le concept m'avait conquise, moi. Peu importe comment était la crowd, ça m'avait eu. Ben oui. Et en même temps, je trouve ça quand même fort de s'associer plutôt de prendre un concept qui a été marquant dans l'histoire de la culture québécoise et d'en faire aussi le nom d'une tournée. Et... commençons par toute bonne chose comme le début. Le studio, c'est 13 dates qui commençaient de l'automne dernier 2016 jusqu'à vendredi dernier qui était la deuxième supplémentaire au Club Soda. Le studio, ça a été plutôt 40 représentations, la première étant le 28 mai en 1968. Et le nom du premier, le studio, c'était dû... C'est Paul Buissonneau qui dit à Robert Charlebois, ton studio, faut-toi aller dans le cul! Parce que les répétitions allaient tellement mal qu'ils ne croyaient plus. Et ça a remarqué, écoute, la vulgarité a remarqué les esprits à tout jamais. Et ce qui est encore plus impressionnant de l'hostie de show, c'est qu'il a été créé parce qu'il y avait un trou libre dans le théâtre du Quatuor Trou dans la programmation d'au moins 3 semaines, étant donné que les belles sœurs, c'était devenu comme trop gros. Fait qu'ils ont mis ça au rideau vert. Ah! Des gros classiques qui engendrent d'autres gros classiques. On appelle ça une période bien bouillonnante culturellement. Et c'est drôle encore plus parce qu'on parle de l'impact de l'hostie de show par rapport à la musique québécoise au même degré que les belles-sœurs ont eu au théâtre et un est à cause de l'autre. Enfin, je trouve ça complètement parfait. Et pour l'hostie de tour, ils ont décidé de, prendre les mêmes couleurs pour les affiches et, l'association avec le nom Hostie. En passant, c'est pas la première fois au Québec qu'on le refait. Repensons à 2012, il y avait eu un spectacle contre la hausse des frais scolarités. Il y avait eu l'hostie d'hausse. Fait que, ce n'est pas que c'est pas original, mais ici, on l'a vraiment beaucoup utilisé. Et c'était, un clin d'œil sans vouloir arguer qu'ils font de la révolution musicale au Québec, mais juste le fait que c'était un spectacle camarade entre amis et qu'il y avait, cette espèce de de puissance là par rapport au rap québécois qui vraiment ouais, ils vont vraiment chercher les jeunes, je te le dis, le jeune de l'adolescence. Il y en avait au Club Soda. Oui, c'est rare. Je pense que avoir beaucoup de spectacles dans des bars, ça fait longtemps que je t'avais pas vu jeune mineur surtout, fait que ça me faisait un certain effet. Mais le fait de se proclamer aussi d'un certain mouvement et de s'associer à d'autres mouvements, parce que je pense à Corias, oui, qui fait partie de Stito, mais au Francofolie de l'été dernier, il y avait dit dans un article, nous sommes les Robert Charlebois, les beaux dommages d'aujourd'hui. Fait que oui, on voit les liens entre les deux. Simplement, ça c'est très personnel, mais j'ai l'impression que contrairement à l'hostie show, qui était vraiment comme une libéralisation, libération de la culture qui a vraiment été effervescent à cause de l'hostie show, c'est Ferland, il a pleuré en sortant de l'hostie show parce qu'il disait « Ah, je suis devenu un vieux schnook », puis après ça, il a fait album jaune, c'est fascinant. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est plus une consécration du milieu rap québécois, de, oui, mettre ces couleurs-là et en mettre cette importance-là. Fait que oui, c'est pour ça que Critique de Crowd voulait être présente à la dernière supplémentaire. Je me suis dit, il y a de quoi de gros qui se passe, puis on va faire partie de l'histoire avec un gros H puis un gros QC. Fait que ça va être bien le fun. Et bon, écoute, si le Stito sera donné l'album jaune, en quelque sorte, très concrètement, le Stito sera donné une nouvelle chanson de Ken Lo, Snell et Toast Dog. Fait qu'on va l'écouter tout de suite, puis elle s'appelle California. Ben, si à part un jour. Yeah, hallelujah, baby, hallelujah. The whole squad screaming, I'ma do it. The whole show is feeling like a boo. Hallelujah, baby, my commission's gonna be spawning moon. 40 kids, it's the kind of cool man. Spawning thoughts and find my body cool. Make them split spawn on poor, probably poor. Stuck the show, it's on my head, poor. Feel glutes, I'm a star, poor. Damn, I'm grabbed, I'm a butt kill. Just some kids, man, feel it on California. Genèse des 7 jours à jouer, the prize that we pen. Le bilinguisme est réel, le piège est réel, le beau trap est réel. Oublie les gênés, chaque lit, tu peux sauter pour nous à l'argent. Gros, si tu peux jammer, c'est easy, en échappé, fais pas de layup. So I love me fucking pull, mais l'esprit rien qu'à cause du weed gum. La planète feel comme un kilomètre, le joint y est house, mais pas toi qui l'aime. Mande-moi pas comment va l'économie. Quoi avec, au bain d'un échelaga, y'a des flops, un stack chez des garde-robes, en plus des cages escaliers. Be a locker! La musique est déesse, la messe est ben païenne, la magie est réelle. Une gang de mon crash, je suis fouet, gros qui rêve de mourir de vieillesse. Mackenzie enterré puis imprimé sur un papier dans ce moment. Le combat est réel, le chillin' est réel, la salade est réelle. Ken Lo, Snell et Toast Dog pour cette chanson, cette nouvelle chanson, California. Hey! Je pense que je t'ai fait un bon topo de l'astito, que j'espère pas appeler l'astito le restant de l'émission. Mon cerveau va faire des mélanges. Reste que, ouais, les deux créent de l'enthousiasme, créent de l'attente, parce qu'il y avait tout un line-up devant le Club Soda vendredi dernier. Ça faisait le coin, ça tournait jusqu'à Sainte-Cate. Grosse affaire, même pour rentrer, parce que... Il me semble qu'à chaque fois que je parle du Club Soda, je dis à quel point le staff est donc ben drôle, donc ben fin, donc ben accueillant, blablabla. Mais oui, je suis vraiment vendue. Ils sont drôles, sont sympathiques. Je le répète, drôle, sympathique. Et là, cette fois-ci, vraiment plus sérieux. Déjà, ils faisaient comme section fille, section garçon. Là, je comprenais pas trop pourquoi on était séparés. fouille. C'est la première fois, je crois, que je me fais fouiller au Club Soda. Et pas un petit peu. On s'est fait tenter la poche, pas à peu près. Là, vous allez dire, Jolene, t'es bien vulgaire pour rien. Là, déjà que tu vas pas arrêter de sacrer en disant à Sticho. Non, tu comprends pas. Ils m'ont vraiment tenté la poche. Genre, dans mon manteau, ils ont comme, ben, la fille, là, vu que j'étais une fille, fille. Fait qu'elle me tente l'intérieur de la poche pour être certaine qu'il y a rien de louche à l'intérieur. Fait que j'ai vraiment comme senti, elle a fait comme, cette chose est un cellulaire. Fait que. C'était, ouais, du tentage très, très sérieux. Et, bon, je sais que, bah, je trouve ça toujours dommage, mais cette association-là entre show et pop et les assurances des salles et le fait qu'il y a toujours plus de fouilles à ces spectacles-là, est-ce un hasard? J'en doute. Mais bon, disons que ça m'a été marquant de me faire tenter autant de cellulaires à travers mon linge, mais bon, c'est correct. Mais... Sinon, ben écoute, la crowd revient sympathique et son staff tout autant. Anecdote, ben court, le show est même pas encore commencé, j'ose avec le serveur, je fais comme « Hey, mon Dieu, bonne soirée », je te paye un shot, et pour ceux qui écoutent souvent l'émission, sinon va écouter la balado après, ben écoute, dans une autre émission précédente de Critique de Crowd, je faisais l'éloge des shots et de tout son rituel, fait que ouais, je ritualise comme ça au bord du Club Soda, puis je tape délicatement le comptoir avec mon petit gobelet de plastique. Et il y a deux filles juste à côté, bien, bien assises. Pas au bord, la table à côté du bord. C'est du sérieux. Là, ils sont comme... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Taper son verre sur le comptoir? Là, moi pis le serveur, on fait non. Ils disent, c'est parce que vous voulez en avoir d'autres. Voulez-vous une tournée? Et j'étais comme, wow! Le monde s'en va, c'est sympathique. Ça manque. Le show est pas commencé pis tout le monde va être ami. Je vais être comme, ben, coudon, on va continuer. J'ai aucune idée si c'est vraiment ça. Du tout. Mais ça nous aura fait des nouveaux amis. Oui, des amis temporaires. Mais quand même, ça aura tissé des liens. Pendant ce temps-là, je m'en vais dans la foule. Et elle est variée. Question âge. Ouais. Fac. Je vous dirais, moi, en tant que telle, ça me fait pas tant de différence. Mais sur la conversation, c'est là que je l'ai senti. Tends l'oreille à une table. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mes hypothèques. Bla, bla, bla, bla, bla. Je vais plus comme au centre de la salle, voir comme comment va la crowd. Ah, bla, bla, bla. Je voulais full aller voir Simple Plan. C'est fou. J'aurais pu dire... OK, non, jamais écouté Simple Plan, là, mais j'aurais pu dire la même phrase il y a 10 ans. Parce que Simple Plan sont là depuis toujours. J'ai capoté, mais je me suis dit, c'est parfait. La jeunesse québécoise a les mêmes référents populaires. Fait que je suis pas encore rendue à mes hypothèques, mais j'étais vraiment heureuse de voir que plus le temps passe, pas tant que ça change. Fait que c'est ça. J'étais bien heureuse de mes découvertes crowdiennes. Et on va écouter Brown, c'est eux qui ont ouvert le spectacle. Brown. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Got to tell you this. Got to tell you this. Got to tell you this. Have to tell you this. Got to tell you. We're living in a brown, brown, brown world. It's a brown, brown world. Brown world. It's a brown, brown world. Get that to your head. It's a brown, brown world. Brown world. Got to tell you, got to tell you this. Brown. a traveler. Yeah, si tu prends, prends, tu prends. Nigga, lis dans tes branches, puis les branches sont. J'aime pas un nigga, tu connais la chance. Nigga, c'est pas blanc ou noir, ben tu sais comment les gens sont. Yeah, ah, chill, j'ai dit chill. Calm down, let's pump, pump. Pendant qu'ils sont prêts à cluck, on fait ses bras comme un nigga, man. T'es down like ça. Oh, t'es comme moi, j'suis down like ça. Je te parle, parle, genre, genre, t'en as pas un college qui brown like ça. Ils vont même pas le savoir, ils vont même pas le voir. Pis à la limite, faudront même pas le croire. Quand ils kids de leurs enfants vont tout crier brown power. Motherfucking gang de cowards, faudront même pas se battre. Gang de tupus, j'suis dans les fans. Noir only, ball only. Le brown schnitt est dans la tête. L'âge du front est mon que Charles Brown. Et la noix des schnitt, FR. Jeune blanc, go get to get mama. Dead guan, get joie. Miley Cyrus, dreadlocks. Game the party, she the game the north. Larry Bird, lead the game the party. Peek, Silver, need game the scar. Baby Brown, my way to blame it all. Brown, la chanson Brown de l'album Brown du groupe Brown. Ça, c'est bien simple et efficace. Et j'ai choisi aussi cette chanson-là. Elle commence acoustique. Et ce sera la même chose durant le spectacle pour l'hostie de tour. C'est Papa Brown qui commence le spectacle et qui joue bien doucement. Et après ça, grosse sirène de la part du DJ. Et là, ah, là, les gens y arrivent. Je dis les gens parce que c'est pas juste Brown. Il y a eu à la claire, il y a eu Corias qui est arrivé à la deuxième chanson. Ça a été le moment le plus collectif, moins chacun a sa partie de son groupe. Alors, ouais, c'est, ça faisait une belle introduction sans être quelque chose là, de théâtral ou très, très particulier. Là. C'était surtout que tout le monde chantait et jouait en même temps. Et oui, je le dis, je le répète, full conquise, les cris, les joies, les applaudissements. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas tant d'applaudissements dans un show rap. Au début, je me trouvais pas convenu d'applaudir. T'es mieux de crier. Hein? Tu sais, quand t'as l'impression que t'es une madame, tu fais comme, pourquoi j'applaudis? Déjà, c'est pas fort. Pas fort comme pas fort, mais dans le sens comme, question bruit, là, c'est pas si efficace. Fait que ouais, j'ai déployé ma petite gorge à la place, c'était bien plus efficace. Et je sais pas, c'est drôle, hey! Tu sais, vu que Run the Jewel, je les ai vus mardi dernier, mais que je vous parle du show qui date un peu plus dans ma tête, vendredi dernier, j'ai l'impression que mes moves, tu sais, de show de rap, ça fait longtemps que je n'avais pas... j'étais pas allée à un show de rap, puis... Ça, c'est très personnel, là. Je suis pas sûre que tout le monde dans le crowd vivait ce moment-là. Mais là, au début, je suis dans l'ambiance, je suis heureuse, je suis dandine, mais je sais pas quoi faire de mes bras. Je me sens un peu pourrite, je suis comme... Ah, tu sais, quand t'as l'impression que tu vas être dans le coup, mais que ça marche pas, là, c'est pas tant... Oui, bras en haut, là, tu sais, monte, descend, fait, ben, move de bras, là, je crois, crowd, cher auditeur de CISM, que tu te les visualises en ce moment dans ta tête. De toute façon, même si je les mime, on est à la radio. Fait que, là, je fais, ben oui, j'ai les bras en l'air, je suis heureuse. Pis je sais pas quand les redescendre. J'étais comme toute pognée. Tu sais, j'étais quand même, oui, dans la crowd, tu sais, il y a ben, c'est sold out, il y a plein de monde. Fait que là, j'étais comme, quand est-ce que t'es descend? Quand est-ce que t'es plus dans le monde? Pis comment t'es descend de façon fluide? Je me sentais, ah ouais, je me sentais malhabile, c'est, mais ça finit par passer dans la soirée parce que dès que j'approche du pit, ah, je me sens comme chez nous. Fait que là, il y a moins de façon, c'est plus correct, ça va mieux. Et en même temps, je me suis pas sentie tant tout seule là-dedans parce que il y avait une fille devant moi qui dansait et qui voulait filmer le spectacle. Filmer plus danser égale. Ben, ton vidéo va être ben trop flou, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je trouve ça toujours inefficace. Fait que je me trouvais comme aussi malhabile qu'elle était pas plus habile à filmer. Fait que je me disais, OK, tout le monde est correct. Tout le monde est juste heureux d'être là. C'est correct. Et oui, j'ai parlé de trash. mosh pit. Et ça va arriver tranquillement. Tu sais, Brown, il me semble que c'est pas tant rentre dedans comme musique, mais je crois que l'ambiance générale du spectacle amenait ça. La première fois que je les ai vus, c'était durant les 25e de CISM. Je crois qu'ils ouvraient le spectacle. C'était quand même plus mollo. Ah oui, on avait envie d'aimer notre prochain. Cette fois-ci, on avait autant envie d'aimer notre prochain, mais en le poussoyant quand même un peu plus. Mais encore une fois, c'est drôle comment le pit est très centré. Ouais, comme la première partie de Round the Jewels, c'est très, très, très centre. Je dis ça parce que dans un autre cadre musical, il me semble qu'on va être... On est semi-avant. Tu as deux, trois rangées de monde fan fini. Après ça, t'as le pit, puis après ça, ben, t'as tous ceux qui veulent boire de la bière bien tranquille en arrière. Fait que ouais, je trouve ça drôle comment c'est centré. Et j'ai pas autant d'explications, mais c'est une récurrence. Et encore une fois, oui, l'espace, quand même... Oui, centré, mais... La limite est pas si claire. C'est flou. Mais j'en trouve quelque chose de sympathique. Et sinon, dans la technique, et encore une fois, c'est là que ça m'étonne parce que moi, il me semble que c'est plus tranquille que ça, mais les gens sautaient beaucoup. Il y a quelque chose de très kangourou. Tu sais, le kangourou là, qui faisait de la lutte, mais pareil, tu sais, les gens ils sautaient puis ils étaient brasse-battes, comme ah, j'ai les poings prêts, des petits bras. Bang, boing, boing. Fait que ouais, ils étaient à l'attaque. Puis en même temps, je me dis, à quel point ça fit avec les chansons. Puis en même temps, peu importe, les gens, c'est leur façon de danser, c'est ce qui compte. On s'amuse, c'est tranquille, c'est relax. Ouais, tu penses qu'il y avait une certaine liberté dans ces mouvements, tu sais, et pas tout le monde était hyper exalté, tu sais, tu peux être dans le pit puis apprendre ça, à ta guise. Je dis ça parce que j'avais mon cellulaire dans mes poches. Là, pas dans mes poches de manteau comme tantôt, il était rendu dans mes poches de pantalon et je l'ai jamais perdu. Et pour moi, c'est vraiment un signe comme quoi le pit était gérable. Tu sais, c'était pas, grosse envolée de gens qui te poussent pis ça n'a pas de sens. Non, non, non, ça reste très gérable si tu perds pas des biens personnels. C'est un signe. Et beaucoup, beaucoup d'amour pour Baby Brown. Ah oui, mon Dieu, cette chanson-là, c'est vraiment... Ah, mon Dieu, tu vois, j'ai pas de mots. Ça marche. C'est vraiment beau à voir. Et écoute, après ça, c'est Corias qui était en deuxième partie, mais qui était la partie la plus longue du show. J'ai envie de t'en passer tout de suite et aïe, aïe, aïe. C'est toujours compliqué, les artistes, tu te dis, mais il me semble qu'ils ont juste ça, des hits, et c'est aussi des artistes bien aimés de CISM. C'est pour ça que je vous fais aucune présentation. Puis je me dis, quelle toune! Il me semble qu'on les aime tous. Et on les connaît tous, mais j'ai décidé de vous passer une vieille Saint-Eustache de Petite Victoire. Yo, je pourrais dire que cette année c'est l'année à Corias. Je pourrais montrer la face à entamer vos sorias. Ou rapper avec comme but de maquiller des jolies dames. Me partir un harem et me marier en polygame. Je suis pas un pimp, tout ce que je veux c'est montrer mes skills. Je pourrais juste faire le con puis fronter les kids. Faire ma promotion en ruinant des noms sur mes disques. Je pourrais compter les bills sur le dos du monde que j'ai dis. Je pourrais rentrer au gym, me sculpter des muscles galbés qui pètent des records. Faire plus de fils illégitimes que le sperminator. Je pourrais mater des catalogues, tout m'acheter m'habiller comme une carte de mode. Ou bien je pourrais rappeler comme on reste sain et faire dans la provoque. Je pourrais être un sadomaso trippé sur le cuir les zips. Je pourrais être un battle rapper puis négliger mes lyrics. Je pourrais faire du rap pour ado puis je simplifie mes shit. Je pourrais dire que Radio aurait dû gagner le Phoenix. Je pourrais dire que je suis un thug, je viens pas de Saint-Eustache. Moi j'ai connu la misère, la drogue puis les kings de crack. Je suis un mean jack, je braque ton dépanneur avec un ski mask. Mais je suis moi, la vérité fait peur alors je la bring back. Check ma bête d'imberbe, pas de poils sur ma Bieber barbe. Je suis comme Michael Jackson atteint du syndrome de Peter. Pan. Pas capable de tenir un gap, mais capable de séduire une femme. Soulève tes fucking mains d'un sens si tu trouves que le beat est fat. Je pourrais dire que je répands l'odeur du couche. Je pourrais être un fauteur de troupe, fraudeur de souche. Je pourrais être un dealer de poule, un briseur de couche. Je pourrais dire que t'as assez tard et tant que Justin Bieber se couche. Je pourrais dire que c'est pathétique et fresh. Je pourrais changer de sexe, je pourrais être la best rapper du Québec. Fuck it. Je pourrais max ma visa sur des sweats de marque comme Fila. Je pourrais adopter 15 africains comme Brangelina. Je pourrais faire comme si je dans l'autre époque, je suis un sampleur de ville. Je pourrais dire que j'ai 8 demi-frères et sœurs au Brésil. Je pourrais faire comme si mon père était pas dans une secte. Qui avait pas laissé ma mère mineure sans une scène. Je pourrais faire du rap engagé politique. Dénoncer les drames, les homicides, des brasseurs de cash polygit. Dans mes propos, j'suis un gars qui est hard, mais j'aime aussi déconner fort. Prends le pas, c'est Corey Hart. What more can I say? Je pourrais dire que je suis un thug, je viens pas de Saint-Eustache. Moi j'ai connu la misère, la drogue, puis les fumes de crack. Je suis un mean jack, je braque pour des panneurs avec un ski mask. Mais je suis moi, la vérité fait peur, alors je la bring back. Check ma bête d'imberbe, pas de poils sur ma Bieber barbe. Je suis comme Michael Jackson, atteint du syndrome de Peter Pan. Pas capable de tenir un gap, mais capable de séduire une femme. Sur le t'es fucking made in sens si tu trouves que le beat est fat. Coria sur les ondes de CISM, le 89.3 FM. Et oui, Coria avec la chanson Saint-Eustache. Il va avoir fait toutes ses tunes, toutes ses classiques. C'était un très long set, je dis très long, ça fait deux fois que je le dis, mais par rapport à l'air clair ensemble, je pensais que ça allait être égal-égal, mais j'ai vraiment l'impression que non. Mais des fois, c'est bien relatif dans nos petites têtes. Je pourrais... Non, je suis assez convaincue. Il a joué pendant une heure, mais c'est pas une question que j'ai trouvé le temps long. Inversement, moi qui aime tant les rockers, oui, je t'aime avec tes instruments et qui... Ouais, tu joues ta guitare dans ma face! Je trouve tellement que, contrairement... au rock et à n'importe quelle musique avec des voix, beaucoup d'instruments. Oui, il y en avait pour Corias, mais il était loin, autant que le DJ est loin, je veux dire. C'est la place première est au rappeur et pour moi, ça revient à un monologue fait par un comédien. Il faut avoir tellement un charisme incroyable. J'ai envie de dire que t'as juste ça, ton charisme, parce qu'il faut que tu prennes toute la place dans une scène qui peut paraître bien grande. Et c'est fou, Coria, c'est l'inverse. Tu oublies complètement. Il prend toute la place. Oui, parce qu'il bouge beaucoup, mais parce qu'il a une présence scénique incroyable. Et c'est le cas aussi pour les autres rappeurs qu'il y a eu durant la soirée. Et que, ouais, tous ceux que j'ai fait la critique cette semaine. Et ouais, ça m'épate parce que c'est si peu. T'as juste ton corps, ta voix, puis ce que t'as à dire. Ça peut devenir, très facilement ennuyant ou ça peut être très difficile de durer dans le temps, mais non. Fait que pour moi, rappeur, comédien, monologuiste, même combat. Et mes félicitations. Et vous me direz, mais dans la crowd, Jolene! Ben oui, dans la crowd, le pit, il est devenu comme un 8 ou une pinotte. Bref, il s'est multiplié peut-être en deux pits avec du relais à l'intérieur. Il s'est agrandi, il s'est élargi. C'est pas très clair, je vous l'ai dit. Dans le rap, la géométrie n'en fait pas partie. Et il y a un autre truc... Peut-être, je sais pas, peut-être que ça dépend, les critiques que je fais dépendamment du genre musical, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de filles dans un show hip-hop, dans le trash, que dans n'importe quel autre genre de musique. Vraiment. Et ça, tu sais, les filles, il y en avait, oui, dans la crowd au centre, tu sais, c'était plus jeune, c'était des adolescents en moyenne. OK, il y avait de la babyface, qu'est-ce que je te dise? Mais il y avait aussi, c'est quand même varié. Reste que avoir des filles plus jeunes que moi dans le pitch, je suis heureuse. Parce que peut-être qu'à leur âge, j'étais la seule des fois, comme dans le pit ou pratiquement. Tandis que là, il y avait énormément de candeur. Tu sais, c'était très naïf et très fonceur. Et mon impression qu'il y a moins de règlements dans un mosh pit de Corias ou à la claire, vous comprenez? Je sais pas, des fois, ça peut déraper, ça peut être désagréable pour le reste de la crowd. Et j'ai en tête, bien précisément, je l'ai trouvé belle, les filles, mais il y en avait une. Ah! Agacée un peu. OK, je le dis, mais je t'aime pareil, fille, si tu te reconnais. Elle était un peu grunge avec une chemise carottée, puis elle se foutait de la vie, elle se foutait de tout. C'était, d'une espèce de nihiliste crowdien, parce que je pourrais pas dire nihiliste point, là, j'y ai pas jasé philosophie, mais tu sais, elle s'en foutait, puis elle se faisait tenir sa main par son amie, genre, elle était semi-guidée, semi-accompagnée, mais elle était soudée par la main, c'était surtout ça. Puis elle donnait comme, avec sa chemise, puis son autre bras libre, elle donnait des coups à tout tout le monde. Des coups mous, mais des coups violents. À gesticuler de façon guenille, tout en prenant beaucoup de place. Et il y avait même des... Ben, en tout cas, un garçon qui avait l'air d'en prendre un malin plaisir parce que vu qu'il a poussé n'importe qui de n'importe quelle façon, lui, il s'amusait à la repousser. Mais tu dis, ben, c'est drôle, mais on dirait que c'est pas fait dans bonnes intentions. Je trouve pas ça... Je trouve pas ça amical. Et ouais, encore une fois, je crois que dans la crowd, on fait ce qu'on veut. On est libre. Et si ça te plaît pas comment la personne elle agit, ben toi, tonce-toi. Et on pourrait me dire, Jolene, tonce-toi. Mais me tonce, mais elle était partout. Elle était partout dans le pit. Tu sais, elle était là, puis elle voguait, là. Ben oui, sa chemise était tellement grande, là. Ça donnait du swing comme sur la mer. Ah non, pour de vrai, trop c'est comme pas assez. Genre, aie un peu d'attention sur les gens autour de toi. Tu sais, la fameuse expression « fuck tout », c'est correct de le vivre de temps en temps. Mais là, hey, moi, c'était trop. Ah non, je je suis désolée. C'est rare que je trouve qu'il y a un élément genre agressant dans une crowd ou juste comme, c'est pas participatif, là, tu te moques de tout le monde ou peut-être que t'as le gros trip de ta vie, peut-être que tu n'es pas à jeun. Peu importe, c'était lourd à la longue. Et sinon, il y avait quand même d'autres spécimens dans la crowd. Plus vieux, il y avait un gars bien, bien barbu qui envoyait des becs à sa blonde en poussant les jeunes. Quand on dit se foutre de tout, ça peut aussi donner ça. Ça donne quand même quelque chose de drôle, mais tu te dis, mais ça détonne, c'est un peu étrange. Et, ouais, il y avait aussi une gang de filles. Sa sacoche était pétée. J'avais beaucoup de compassion pour elles, sauf au moment qu'ils ont commencé à pousser des jeunes et de façon un peu. Ouais, c'était pas très agréable. Je sais pas s'il y a eu un clash générationnel comme les jeunes et les vieux. Je voudrais vraiment pas accuser ça, mais peut-être, je m'avancerai pas. Peu importe, parce que ouais, le show était bon, mais la pit était particulier. Ouais, on va garder ça de même. Hey, pour toi, chère fille grunge, je t'aime pareil. Fait que pour toi, grunge... Toi, cher grunge. Alors, grunge, c'était du groupe Vilaine Fille, Mauvais Garçon, fait que ça aussi, on peut te l'associer, mais je t'aime pareil. Et sinon, je te perds de vue durant le début d'À la claire ensemble, qui, oui, était, moi, je trouve moins théâtral que la dernière fois que je les ai vus, qui était au Francofolie. Encore une fois, show extérieur, comme dans la boîte, et il y avait la reine, il y avait les costumes. Oui, il y avait beaucoup plus de sparage sur scène. Tandis que cette fois-ci, c'est plutôt des invités, dont un qui va jouer de la flûte avec son nez, au rappel. Et au début, une femme qui se proclame leur grande sœur. sombre et qui dit « Que vois-je? » à la Claire qui va du fond de la salle du Club Soda jusque dans la crowd pour jouer, chanter. Et ben je le voyais pas du tout parce que j'étais pas là pantoute. J'étais trop loin. Et en même temps, j'ai essayé de me surélever de la crowd. Je voyais pas plus. Mais j'ai fort l'impression que si t'étais proche de... deux autres, ça doit être un beau moment. Mais pour toutes les autres, on était comme « Ah, je ne vois rien, je ne vois rien. » C'est pas grave. Sinon, après ça, coup de théâtre, ils disparaissent noirs. Et ils arrivent sur scène, font la pyramide. Plus tard, ils vont faire des push-ups. On est dans cette théâtralité-là, disons, dans leur mise en scène. Moins d'accessoires, c'est beaucoup plus simpliste là-dessus. Mais ils se mettent en forme. Dans Crow, par exemple, j'ai vu personne faire des push-ups. Mais semble. Parce que des fois, il m'en manque des bouts, je peux pas être partout. Ce qui me fait penser, en début d'émission, il y a un auditeur qui m'a appelé. Allô? Bien, il est un très grand fan de la Claire Ensemble. Il dit ça fait 10 ans qu'il suit. Puis il m'a conté, Jolene, tu sais, pour maintenant, pourquoi on fait des petits cercles dans la crowd? Tu sais, au début, je pensais que c'était pour juste partir le pit. Non, non! C'est parce qu'il y en a aussi qui veulent faire du breakdance. Et ça a été son cas. Il voulait faire danser son fils parce qu'il est un expert du breakdance. Et ben, je pense que ça s'est pas tant passé, mais lui, il a dansé sans tête. Je suis vraiment déçue d'avoir manqué ça. Sérieux, il y avait trop de monde au Club Soda. Et trop de pits différents. Et ouais, il a conquis tout le monde. Écoute, c'est le spécial conquis tout le monde. Et dans sa tête, il y a quelqu'un qui a fait un backflip par en arrière. C'est quelque chose. Il y avait de l'acrobatie. Fait que oui, peut-être qu'il peut avoir eu une influence sur la mise en forme avec à la Claire. De mon côté, ben, ça reste ça restait le trash comme j'avais vécu pour les autres. Quand même, ouais, encore, peut-être plus sympathique, je pense que à Corias, plus que il y avait certaines personnes qui avaient un comportement un peu particulier. Ah oui, si, durant Corias, il y a eu comme, hey, faites un câlin à votre voisin. Mais durant à la Claire, ça a été, faites un slow à votre voisin. Un slow avec n'importe qui. Et moi, étant donné que, ben, j'étais pas encore mais qu'il y avait des gangs de gars, mais j'en sais à 4. Fait qu'on... ça a été un slow bien particulier. Et un des moments que j'ai préféré, il a été à deux reprises. C'est ça que c'était! Il a joué deux fois, mais... c'est le a cappella de la crowd. Tu sais, à CISM, oui, la chanson beaucoup jouée, elle a été numéro 1 du palmarès 2016. Fait que des fois, je me dis, je suis biaisée. Peut-être que la toune, pas tout le monde la connaît. Mais non, non, non! Quelle folie! Quelle... juste la première note, puis après ça, tout le monde était parti, puis il voulait la répéter. Tu sais, c'est ça que c'était. Sans arrêt. En début de show, ça commençait bien. Je trouvais ça tellement... ah oui, c'était beau, c'était le fun. Merci. Merci, crowd. Des moments comme ceux-là, ça arrive pas toujours cet emballement, cet amour pour ton groupe. Oui, on aime ça. Hey, dernière mention peut-être à quelqu'un qui a fait quelque chose de particulier dans la crowd, puis tout le monde se fait comme Il y avait un gars avec un t-shirt de Barrasso, si c'est toi, reconnais-toi, puis dis bonjour à critique de crowd. Je le trouvais bien punk de monter sur scène pour vouloir stage diver. Justement, ça fait très punk. Enfin, je pense que les gens n'avaient pas tant de référents. Déjà, les rappeurs s'en foutaient un peu. Puis en plus, quand il s'est lancé, ça n'a pas eu comme un effet spectaculaire. Je trouve ça beau, les modifications des comportements crowdiens. Encore une fois, dépendamment du genre musical, il y a des fois où ça, oui, ça fonctionne, mais il y en a d'autres, c'est comme si l'adaptation n'était pas faite. Je pourrais pas me l'expliquer autrement. Mais, les body surf étaient très longs. Oui, quand c'était pas sur scène, mais que ça partait de la foule, là-dessus, des bonnes routes au-dessus de la foule, ça faisait... ouais, ça avait l'air bien intéressant. J'ai pas testé le body surf, il était comme tranquille, un peu... planche, mais ouais, question voguer loin, ça marchait. Alors voilà, ce sera ma critique de crowd de Lusty Tour et de Run the Jewels. Je suis bien heureuse de mes deux expériences. Comme je le dis, tant qu'il y a du pit, il y a du fun. Et sur ça, ben, on va l'écouter. C'est ça que c'était dans la Claire Ensemble. Pour tout commentaire, ben, allez sur le Facebook de Critique de Crowd ou sur les internets en général. Et sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Looper beat, suck his up, eh? A step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, a step, bounce. Le type pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Bounce. Sucker. Fais le step, pas ça que c'était, step. Les gens te disent que c'est une bouffe et d'après. La critique acclame le banquet. Billet d'avion pour Saint-Fran. Amène un mojito à Saint-Vapravigo. On va se promener en bétaine. En bétaine! Oxy des plans pour l'été pour la semaine. Mon boy c'est basic, 10 digits, livre 7 chez nous, man. Bon business, je suis le voisin à tout le monde. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je suis le voisin à tout le monde. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Fais-moi du pain, bébé, fais les maisons. Fais les goûter, y'a pu mettre du gluten. Fais les doubler, y'a pu mettre des mitins. Bébé, fais les tripler, puis j'appelle ça du prêt. C'était pas mal, je sais que je te. C'était pas mal, je sais que je te. Est alphabétique dans le script, un peu plus phonétique dans les scripts. Tu rentres par le B, tu passes par le C, tu finis dans le B. Tu me dis dans ton track que c'est subliminal, fait t'es rien que minable. Tu compètes et tu caches sur le gars qui fait tes push-up à une main sur mon royal. Une image vaut mille mots, mais les tiens, ils pèsent rien partout. Fait que dans la balance, y'aurait même pas 500 sous. Tu retournes à laver des blanchers très bien. Un clip. Un pourboire, un conseil, reste mince. Ferme ta gueule, tailleuse, puis parle plus jamais de mon prêt. Vis ta vie de bloc, de mode, cesse ton rap de gonzesse. T'as ça que dis au complet quand t'as dit que t'as fait un bon prêt. Vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20 % de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Profite du meilleur de Montréal à la 5e édition de la cuvée du 2 au 4 mars prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktails, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Black Moon Boys, Hellbound Headcats et Speakeasy Electro Swing pour vous faire danser toute la soirée. Il va y avoir du monde à la messe au salon 1861 dans Griffintown. Billets disponibles en pré-vente ou lacuvée.ca. Allez, Grock, bat son plein au Divan Orange. Ce jeudi 23 février, en collaboration avec CISM, préparez-vous pour une soirée bien rock avec les chiens Francis Faubert et Deux Pouilles en cavale. Vendredi, ça se passe aux Haricots de Saint-Hyacinthe avec Violette P. Et samedi, au Cercle de Québec avec les Breastfeeders. Détails, entrevues, vidéos exclusives au lesgrock.com. Oublier le passé et le futur. Allonge-toi dans la fourrure. Écoute Dextropropogy Finsmack. Le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille. Assistez à la grande finale d'UEM en spectacle 2017. Venez rencontrer les 9 finalistes de ce concours qui valorise les talents et les savoir-faire des étudiants de l'Université de Montréal dans le domaine des arts de la scène. Assistez à 7 numéros uniques qui regroupent plusieurs catégories, dont l'humour, la musique et le théâtre. Cette année, nous avons la chance d'avoir Lydia Kepinski comme artiste invitée. Jeudi 23 février à 19h30 au Centre d'essai du pavillon JA de Sèvres, c'est un rendez-vous. Entrée libre pour tous. Informations au sac.umontréal.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM.